L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM.

j'adore tes titres Master Jack sur l'arc-en-ciel. Ça fait du bien un peu de soleil parce que le soleil n'est pas au rendez-vous. Peut-être demain justement, enfin un point météo pour demain, mardi le 4 février. La météo. La météo demain mardi 4 février, eh bien le matin malheureusement le ciel sera plein de nuages, encore de la pluie malheureusement. Mais je regarde un petit peu sur Météo France, normalement si Météo France ne se trompe pas, dans l'après-midi vers 15h le soleil devrait faire son apparition avec quelques nuages quand même, mais bon, quelques petits rayons d'où le sol. Le rayon de soleil, il arrive avec Daddy Yankee, on adore sur Radio Arc-en-Ciel. Doula, hein, Doula, et ne ratez pas notre interview 17h, le maire d'Agré sera dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel, monsieur Christian Dumas. Si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, dura, dura, dura, dura. Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo con el que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Tú eres la máquina de baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo. Radio Arc-en-Ciel, 16h18, heureux d'être avec vous, Francky dans la radio, Daddy Yankee, El Doula, Doula. On vous parle du bal, justement de la radio, le 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin. On va faire une bonne soirée ensemble, écoutez, on vous en parle, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Avez-vous réservé votre Saint-Valentin? Non? Et bien, Radio Arc-en-Ciel organise, le samedi 15 février, un dîner-spectacle Saint-Valentin. Soirée fado, avec le groupe de Schwad. Menu gourmand, amuse-bouche, bacalhau au francesinha, morue ou croque gourmand. Dessert, fromage et café, avec des tarifs très attrayants. Repas-spectacle adhérent, 25 euros. Repas-spectacle non-adhérent, 27 euros. Menu enfant de moins de 12 ans, 10 euros. Boissons non incluses. Et à partir de 23h, un bal animé par le duo 25 avril. C'est gratuit. Et oui, c'est gratuit pour nos adhérents. Non adhérents, 5 euros. Sous réservation avant le 10 février 2020 au 06 79 08 42 05 ou au 06 51 65 22 21. Réservez vite. En famille, en amoureux ou mon ami, venez passer un moment exceptionnel le samedi 15 février à la salle des fêtes de Saint-Privé Saint-Mémin. Vamouche, tout douche. Et voilà, vamos tout douce, Bailar. Ce sera le samedi 15 février à la salle des fêtes de Saint-Privé Saint-Mémin. Un peu de douceur dans ce monde de bruit. Vas-y, Jennifer, donne-moi le temps sur l'arc-en-ciel. Tant de gens veulent tellement être aimés. Si l'on savait juste un peu patienter. Meilleur des souvenirs sur un arc-en-ciel. Jennifer, donne-moi le temps. Mais le temps, on vous le donne aujourd'hui, hein, pas terrible. Hein. Demain, ça va pas s'améliorer, malheureusement, quand je vous le disais, pas mal de nuages encore. Mais le soleil devrait faire un petit peu son apparition dans l'après-midi. Le meilleur des souvenirs avec Sia. Et je vous rappelle notre invité à 17h. Il sera dans les cieux de la radio arc-en-ciel. C'est Christian Dumas, maire d'Ingré. Ça y est, il re-signe pour un troisième mandat. Et bien, il va nous en parler tout à l'heure en direct. Voici Sia et Chandelier. One, two, three, drink. One, two, three, drink. One, two, turn back till I ain't no sky. J'adore ce titre, c'est la pub d'un parfum, ouais, on aime bien, avec Chandelier sur la France. Heureux d'être avec vous, c'est Franky dans la radio, jusqu'à 18h. L'After Job avec Franky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. 96.2 FM, même les plus grands peuvent se faire berner. C'est ce qui est arrivé à Google Maps il y a 3-4 jours. Un artiste de Berlin qui a berné justement Google Maps. Alors comment il a fait? En tirant une charrette remplie d'une centaine de smartphones, un artiste berlinois a provoqué un énorme embouteillage virtuel dans les rues de Berlin sur Google Maps. Eh ouais, alors, en voulant mettre en évidence l'impact des services virtuels sur le monde physique, Simon Berkert, un artiste berlinois, a joué un drôle de tour justement au service de cartographie Google Maps. Alors dans les grandes lignes, Google Maps calcule nombre d'utilitaires sur un axe routier, hein, vous savez, pour évaluer la densité de la circulation. Donc ils font un état des portables qui sont allumés, qui sont connectés. Et puis en fonction de cela, le site affiche en temps réel les rues en orange ou en rouge. Et s'il y a une forte concentration pour prévenir justement les automobilistes, hein, comme Oise un petit peu chez nous, et ben les automobilistes peuvent prendre un ITR bis. Et ben justement, fort de ce constat, Simon Verket a eu l'idée de placer 99 smartphones dans une charrette. Il l'a tiré pendant avant de parcourir toutes les rues de Berlin, pas mal déjà. Et au préalable, celui-ci avait évidemment connecté la navigation Google Maps, ce qui a fait une grosse concentration sur certaines rues. Et puis bah Google était un peu perdu. Voilà, un petit jeu, plus trop drôle. Voilà, en tout cas c'est bien amusant. Comme quoi, le virtuel, hein, faut pas toujours y croire. Hein. Les tournées, ça arrive. Un peu de son de l'île de la Réunion avec DJ Assad, Willy William et Alain Ramanissium. Bonne fin d'après-midi à vous, 16h31 sous la grisaille d'Orléans, mais on est bien avec le Rio Zul Sol. Et je vous rappelle, à 17h, il sera notre invité, c'est Christian Dumas, maire d'Ingré, candidat pour un troisième mandat. Il l'a annoncé le 22 janvier, et bien il sera en direct dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel, après Mathieu Sessinger, après Olivier Carré, après plein de maires qui sont venus nous voir chez nous, Nathalie Forbach, je pense elle aussi. Et bien, il sera dans les studios à 17h, Christian Dumas, maire d'Ingré. Turn up the volume, cause you'll make Tony a set for marshals. DJ Si l'île n'a pas la nappe et l'anissa, chef du colline, fini bam bam. Ça se lève, content tam tam. Mettre la paillasse, ça va bien. Ça va la la, la fin à bla bla. Bouti bouti, les bouts danser. Dans tous côtés, les bouts tournés. Sur les go devant, sur les go derrière. Les tournés, les tournés. Il met son corps devant, et son corps derrière. Les tournés, les tournés. Sur les go devant, sur les go derrière. Les tournés, les tournés. Il met son corps devant, et son corps derrière. Les tournés, les tournés. Les tournés, les tournés. Rentrez, les vous mangez, voir, que c'est rayé, qu'on m'a dit pour famille la moyenne. Sur nos poteaux, y'a une grande cerveau, dans ce café, n'a pas une friasse. Que c'est passé, les poudres rassées, mais nous pouvons se casser là, les poudres danser. Hey, hey, hey. Mets sur les go devant, sur les go derrière. Les tournées, les tournées. Il met son corps devant et son corps derrière. Les tournées, les tournées. Mets sur les go devant, sur les go derrière. Les tournées, les tournées. Il met son corps devant et son corps derrière. Les tournées, les tournées. Mets sur la mêlée. Allez, secouez-moi tout ça là, si vous êtes en voiture. Heureux d'être avec vous, Francky dans la radio, DJ Assa de Willy William. Les bons souvenirs 2012, le soleil, et puis le disco qui arrive avec un souvenir de 1984. Evelyne Thomas, hein, ouais, gros succès de ces années, disco dance avec High Energy. Quel souvenir sur l'arc-en-ciel. je vous vois dans la voiture là, vous dites mais yo, je me souviens, c'est en 1984 quand j'étais sur le dance floor, c'était l'un des titres, le disco hein, qui a le mieux marché sur la planète. Et bon, on y prend un bon, hein, Ike Energy 84, Evelyn Thomas. On est avec vous, 16h38, c'est Frankie dans la radio. El Rayos Dul Sol, je vous le disais, peut-être demain dans l'après-midi, normalement si Météo France ne se trompe pas, aux alentours de 15h, le soleil devrait faire un petit peu son apparition et ça va faire du bien. Le meilleur des souvenirs, Radio Arc-en-Ciel avec Juanes et la Camisa Negra. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Así como lo oyes. Camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber el veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Radio Arc-en-Ciel, el Juanes. Je déroule bien les airs quand même, hein. comme les pelles d'ailleurs. La camisa negra, on est en direct jusqu'à 18h. C'est la famille. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et un truc de malade quand même, hein. En Chine, ils ont construit un hôpital pouvant accueillir plus de 1000 personnes par rapport, vous savez, au virus, la coronavirus, hein, a fait construire un hôpital en moins de 10 jours. C'est-à-dire que l'hôpital devrait ouvrir ses portes aujourd'hui, dans l'après-midi, là, il devrait ouvrir la porte. Je regarde le nombre de personnes atteintes, 14 000 personnes en Chine sont atteintes justement du coronavirus, c'est déjà 300 décès, hein. Plus de 1000 lits et des équipements médicaux spéciaux justement pour subvenir à ce virus, hein, qui est en train de ruiner, hein, une partie de la Chine. Voilà. En tout cas, 10 jours, c'est énorme. En France, on aurait mis, je sais pas, 3 ans peut-être pour faire un hôpital comme ça, je sais pas, je connais pas. Hein. Si vous êtes constructeur d'hôpitaux, appelez-moi, tiens, 0238 43 48 00. On ira, on y va avec Jean-Jacques Goldman, direction le soleil. Et un bon titre qu'on adore sur Radio Arc-en-Ciel. Et je vous rappelle, à 17h le soir, notre invité, c'est Christian Dumas, maire d'Ingré. L'autoroute laissera nos clés, nos cartes et nos codes de prison pour nous retenir. Tous ces gens qu'on voit vivre comme s'ils ignorent qu'un jour il faudra mourir. Et qui se font surprendre au soir aux belles. On ira, on partira, toi et moi. Jean-Jacques Bazzi. Quel chanteur quand même, hein. Avec tout ce qu'il écrit, tu me dirais, il a pas besoin de faire de concert. Il y a beaucoup de gens qui disent, bah, un peu de concert, tout ça. Bah ouais, mais bon, il est blindé le mec. Et puis bon, il a envie de faire sa retraite aussi, hein. Un jour peut-être, en tout cas, on est heureux de vous retrouver jusqu'à 18h. Funky sur l'arc-en-ciel, l'after job après le boulot. Si vous venez d'arriver, là, si vous sortez du boulot, eh bien, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon début de soirée, parce que la soirée qui va pas tarder à commencer. Demain, le ciel sera encore chargé demain matin, malheureusement, et les températures ne dépasseront pas les 8 degrés. Le remix de Camaro dans les années 2000 avec Femme Like You. On vous souhaite très très bonne journée sur la radio couleur. Yeah. Allez, Français, on est heureux de vous retrouver. C'est Francky dans la radio. Puis bravo aux 15 de France qui ont gagné au rugby. Ouais, vous étiez plus de 5 millions de téléspectateurs qui ont regardé le 15 de France qui ont gagné face à l'Angleterre. Bravo les Bleus. Bravo, bravo. Jimmy Ayaman, les souvenirs. Jimmy Ayaman, le meilleur des souvenirs en 2012. Ils sont de Bordeaux et ça me fait plaisir de les rencontrer aujourd'hui. Sur Radio Français, heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. Et puis 2020 va être une bonne saison pour Euro Disney parce qu'ils embauchent plus de 8000 personnes. Alors 1000 contrats CDI, hein, contrats à durée déterminée. Et puis bah, la saison qui va démarrer dans quelques mois, ils embauchent 7000 saisonniers. Donc voilà, si votre gamin cherche du boulot, et bien pourquoi pas postuler pour Disneyland Paris qui vont embaucher là plus de 7000 saisonniers. Voilà encore un bon plan. On en a plein comme ça à vous faire avec Kenji aussi qui arrive. Et à la cool sur la Franciel. J'ai passé des heures à chanter avant la nuit, pour m'amuser un peu, pour tuer l'ennui, pour le fun, pour draguer les copines, pas pour passer dans les magazines. Je ne passais pas pour toucher le cœur des gens, mais le destin en a décidé autrement. Je suis là devant vous sur la scène, à vous donner mon amour et ma peine. Y'a eu les plateaux, y'a eu les photos, y'a eu les télés et les bilans gênés. Quand ça s'arrêtera, je ne sais pas, j'ai même chanté la serenade Eva Longoria. Tout a changé, je suis passé de l'ombre à

sleep. And I will build my soul in time when I'm kneeling at your feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. Ciel. Goodbye my lover, goodbye my friends, avec James Blunt. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et dans 3 minutes, il est notre invité, c'est Christian Dubin, maire de Hingré, candidat pour un troisième mandat. Il l'a annoncé le 22 janvier dernier, il arrive dans les studios dans moins de 3 minutes. Juste avant, c'est Kevin Kinvey. Cela ne pourra pas être pris. Je te promets jamais plus tu te sentiras isolé. Je serai toujours là à tes côtés pour te consoler. Tes problèmes je les ai décelés. Alors maintenant derrière moi laisse-les. L'invité du jour, c'est maintenant. L'invité du jour, et je suis heureux de l'accueillir dans les cieux de la radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM, Christian Dumas, maire de Hingré. Bonjour Christian Dumas. Bonsoir. Comment vous allez bien? Bah, écoutez, ça va pas mal. Ça va, hein? Ça va avec bien, le temps, il n'y a pas au rendez-vous, mais bon, on fait avec, comme il on fait dit. Fait doux, hein. Écoutez, il faut faire avec. Ouais, candidat pour un troisième mandat, vous l'avez annoncé le 22 janvier dernier. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, quelle est aujourd'hui la motivation qui vous donne cette pêche de revenir? La motivation, si vous voulez, les tripes. D'abord, à titre personnel, la motivation, elle est intacte. Et j'ai dit le 22 janvier qu'elle était peut-être encore plus présente qu'elle ne l'était en 2014 ou en 2008. Ça, c'est le premier point. La deuxième motivation, c'est que je sais pouvoir compter sur une équipe solide, sérieuse, qui m'a accordé sa confiance. Et puis la troisième chose, c'est que nous avons beaucoup de choses à faire et que je crains que si nous ne sommes pas en responsabilité au mois de mars prochain, un certain nombre de choses qui nous tiennent à cœur, eh bien, ne se fassent pas. Voilà. On parlait justement des choses qui vous tiennent à cœur. Moi, ça me fait plaisir de vous recevoir. Vous étiez déjà venu un matin, à l'époque, quand je faisais le morning, comme on je dit. Je m'en souviens. Une nouvelle équipe, comme vous le disiez, qui va arriver. Oui, beaucoup absolument. De changements, Les Marines Agrées. Oui, beaucoup de changements, pratiquement. Par rapport à quoi, les changements? C'est des départs ou alors c'est volonté personnelle, non, peut-être? Non, si vous voulez, il y a des gens qui ont des projets de vie différents de ceux qu'ils avaient en 2014, qui ont quitté le département ou qui vont le quitter. Des gens qui avaient fait plusieurs mandats et qui voulaient prendre un petit peu de recul, un peu de temps libre ou s'investir dans d'autres milieux, des milieux associatifs. Donc ça s'est fait, je dirais, tout naturellement. On n'a pas eu à exclure des amis. Voilà, ça s'est fait tout naturellement. Tout naturellement. Tout simplement. Avant de parler des projets qui vous sont à cœur, il y en a plusieurs. Oui. Je voulais vous remercier personnellement et au nom de la société Espoir 21, vous vous rappelez du concert qu'on avait fait dans votre belle salle d'Ingrée. On voulait encore vous remercier parce que vous nous l'avez prêté gracieusement avec les techniciens, avec le confort qu'il y a dans cette salle. Et ça a été un très bel événement. Voilà, c'était un petit remerciement personnel. Très bien, merci à vous et merci pour les services. Non, merci. Alors, sur le fond, trois projets phares. La création du centre de santé et l'embauche de médecins. Ça, c'est important. Je vois, c'est ce qui vous tient à cœur, monsieur le maire. C'est sans doute le sujet et le projet qui nous tient et qui me tient le plus à cœur. Voilà, parce que l'offre de santé est insuffisante à Ingrée en termes de médecins généralistes, pas sur les autres secteurs médicaux ou paramédicaux. Et donc, on se doit, parce que la santé, c'est quelque chose d'important. Tout le monde y a droit, tout le monde doit pouvoir y avoir accès. Et on se doit de mettre en œuvre les mesures permettant un accès aux médecins généralistes plus aisés. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est catégorique, on manque cruellement de médecins généralistes. Il n'y a plus de relève, entre guillemets. C'est ce que disent les anciens médecins. Moi, le mien personnel, il me dit tout le temps, j'ai pas de relève, je vais partir à la retraite dans 5 ans et personne pour me remplacer. Ça devient c'est compliqué. C'est ce qui se passe aussi. Oui, on le constate à Ingrée, mais on le constate à Orléans, on le constate un peu partout. Regardez, moi, je lis très attentivement les programmes des différents candidats aux élections. Saint-Jean-de-la-Ruelle a ce projet-là, Orléans a ce projet-là. Je voyais ce matin, ça doit être sur Saint-Jean-de-Blé, ou Saint-Jean-Blanc. Voilà, donc c'est quelque chose qui touche toujours général, l'année. Je parle d'Ingrée, parce que vous êtes de l'habiter, le département et la région Centre en règle générale. Bien sûr. Plus que dans d'autres départements ou dans d'autres régions. Donc la santé vous tient à cœur. Enfin, absolument. Voilà, à cœur. La construction aussi parmi ces projets qui sont nombreux. La construction d'une école de musique. Oui. Alors ça, c'est aussi dans votre cœur. Oui. Pourquoi par des demandes, ou alors c'est un peu personnel peut-être là-haut. Non. Pour plusieurs raisons. D'abord, si vous voulez, Ingrée est très attaché à la musique. L'harmonie municipale est une des deux plus vieilles sociétés d'Ingrée. Elle a plus de 100 ans avec les sapeurs-pompiers d'Ingrée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il nous semble que l'accès à la musique doit être important, sanctuarisé et permettre à tous les enfants, mais y compris aux adultes, de pouvoir découvrir la musique. Voilà, donc on a rénové le château de Bel Air il y a de ça un an, avec 528 mètres carrés qui sont entièrement dédiés à la musique. Tout a été refait. Et donc maintenant, nous voulons agrandir cette école pour un peu plus que doubler sa superficie, pour créer un auditorium, une salle de percussion, une salle de musique actuelle, quelques studios de plus, quelques salles de cours de plus. Bien sûr. Voilà. Donc c'est important et c'est un chantier, si vous voulez, les études sont en cours et c'est quelque chose qui pourrait démarrer dans l'année qui vient. On a plein de projets en tête, monsieur le maire. Oui. c'est quand même grandiose d'être maire et d'avoir autant de projets, mais le plus embêtant, je dirais, c'est qu'on peut pas les réaliser, malheureusement. Oui. Ça vous tient à cœur quand vous dites, j'arrive pas à faire ça, ça m'embête. Oui, bien sûr. On savait que l'État ne donne plus aussi les budgets, vrai. Comme avant. C'est vrai, c'est très frustrant. Ouais. À cela près, si vous voulez, c'est que lorsque nous annonçons quelque chose, c'est parce que nous savons que nous pouvons le réaliser. Pour l'école municipale de musique, par exemple, ou pour un autre projet dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est la médiathèque bibliothèque, Nous avons 4 800 000 euros de trésorerie. Ouais. Et donc, ces projets sont d'ores et déjà financés. Donc, la trésorerie va bien, hein, Grélan. Disons que tout est dans le vert. On a créé les conditions pour avoir la trésorerie et surtout pour préparer l'avenir. L'avenir. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a deux possibilités. Soit on décide d'un projet et on dit, ma foi, ceux qui viendront après, ils se débrouilleront pour le financer. C'est ce que moi, j'ai vécu il y a de ça quelques années. hein, il y a de ça 12 ans, ou alors on dit, on crée les conditions financières pour pouvoir financer notre projet, et lorsqu'on signe et qu'on valide le projet, on sait que derrière on pourra le financer. Voilà. C'est ce qu'on a fait. Justement, on parlait de médiathèque, ludothèque. Donc, c'est un des projets qui vous tient aussi dans le cœur, comme on dit souvent. Oui, parce que si vous voulez, au même titre que la musique, ou au même titre que le sport. Ça va un petit peu ensemble. Oui, ça va ensemble. Si vous voulez, la lecture pour tous, c'est quelque chose qui nous importe particulièrement. Mmh. Hein, on a donné l'accessibilité gratuite à la bibliothèque municipale depuis quelques mois. Donc là, on veut agrandir la bibliothèque municipale et créer une nouvelle bibliothèque, médiathèque et ludothèque, parce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est très intéressant, et créer un espace qui sera avec l'école de musique, qui sera à côté de la salle de spectacle Lionel Boutrouche, et donc ça fera vraiment un véritable pôle culturel. Et un pôle culturel, c'est important. Pour les jeunes aussi à l'école, ouais. C'est important pour tout le monde. Tout le monde. On va parler aussi un petit peu d'environnement, si vous voulez, des projets sur l'environnement. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui pour... il faut aujourd'hui préserver l'environnement, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, plus personne ne peut rigoler et se moquer en disant l'environnement, tout ça, c'est voilà. Hein. Vous savez, moi, j'ai toujours en tête ce que disait René Dumont il y a de ça en 1965 à l'élection présidentielle. Je crois qu'il disait l'auto, ça pue, ça tue et ça rend con. voilà. Alors c'est pas ce que je dis aujourd'hui, mais je veux dire par là qu'à l'époque, on disait c'est un illuminé. Mmh. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez, vous regardez, quelles que soient les sensibilités, tout le monde parle de transition énergétique, d'environnement, d'écologie, etc. Parce que c'est nécessaire, sinon demain, on va tous mourir, tout simplement. Quoi. C'est clair. Hein, alors, quand je dis demain, nous on le verra pas. Oui, bien sûr. Mais nos enfants, nos petits-enfants, et on se doit, de leur laisser une planète dans laquelle ils puissent bien vivre. Ouais. Hein, c'est de notre responsabilité. Donc nous, on avait créé un agenda 21, on avait 100 actions qui ont été réalisées, quasiment. Là maintenant, il faut aller plus loin, si vous voulez, et travailler beaucoup sur l'isolation des bâtiments, pour limiter l'émission de gaz à effet de serre, et en même temps réduire nos consommations. Hein, parce que la meilleure énergie, si vous voulez, c'est encore celle qu'on ne consomme pas. Hein. Voilà, il faut qu'on travaille là-dessus. On travaille sur la biodiversité avec la renaturation des bois de lazin ou des mares de lazin. On travaille sur la faune sauvage. Voilà, il faut on replante des haies, parce qu'autrefois il y avait des haies, on les a arrachées. Ouais. Sauf que les anciens, eux, s'ils mettaient des haies, c'est parce qu'ils savaient que ça avait une utilité. Bien sûr. Hein, pas l'érosion du sol, ça permet aux insectes, à la petite faune sauvage de nicher, etc. Voilà, donc on va travailler dans tous ces domaines-là. Il faut vraiment qu'on aille encore plus loin. On va aller plus loin. Et niveau sécurité, alors, est-ce qu'on va plus loin à la ville d'Ingres? Est-ce qu'on a des nouvelles tendances vidéo? Alors, des nouvelles polices municipales qui vont arriver peut-être? La sécurité, c'est le rôle régalien de l'État. Mmh. La sécurité des biens et des personnes. Pour autant, dans nos communes, il faut qu'on ait des polices municipales en capacité d'être complémentaire à la police nationale. Bien sûr. Il ne s'agit pas de faire le travail de la police nationale. Donc c'est pour cela que moi j'ai décidé l'armement de la police municipale, parce que toutes les polices aux alentours étaient armées, et le fait que notre police ne soit pas armée, ça les privait de certaines missions qu'ils ne pouvaient pas faire en complémentarité de la police nationale ou des autres polices municipales. Mmh. Et on a installé une vingtaine de caméras de vidéoprotection pour sécuriser nos bâtiments municipaux qui sont souvent l'objet de vols, de détériorations, d'incivilités. Il faut absolument qu'on se donne les moyens de lutter contre ces fléaux-là. Justement, parlant de vidéo, la vidéo, ça vous apporte beaucoup, ça vous aide justement sur l'effet de délinquance. Pour l'instant, les vidéos sont installées, elles ne fonctionnent pas encore. Ils écoutent, attention. Voilà. Hein, mais elles vont fonctionner dans les tout prochains jours. Voilà. Donc nous, l'idée, si vous voulez, c'est d'enregistrer en continu et de ne visionner que si nous sommes requis par les autorités judiciaires, les services de police, uniquement s'il y a des méfaits. C'est-à-dire que si rien ne s'est passé, on va pas surveiller 24 sur 24, personne avec un agent derrière. Personne n'aura accès à ces bandes-là. Après, c'est une recherche par rapport à un événement qui a eu lieu. Exactement. Voilà, si rien ne s'est passé, bien sous 15 jours, la bande s'autodétruit. Hein. C'est pas mission impossible, mais elle s'efface elle-même, si vous voulez. Bien sûr, c'est au bout de 10 jours, je crois, 10-15 jours à peu près. Hein, donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ne visionne jamais ces bandes, parce que ça voudra dire qu'il n'y a jamais rien eu. Voilà. Alors, troisième mandat pour vous. Oui. On sait que Radio-Arc-en-Ciel est beaucoup écouté sur la région l'après-midi, 8-10 000 personnes l'après-midi, ça nous fait plaisir d'ailleurs. Si vous aviez un mot pour les gens d'Ingres qui sont peut-être dans les voitures aujourd'hui, qui nous écoutent, les habitants d'Ingres, parce que vous êtes le maire d'Ingres, ça serait quel mot, quelle phrase? Confiance en l'avenir. D'abord qu'ils passent une bonne soirée déjà. Confiance en l'avenir volonté de construire Ingres ensemble. Ingres ensemble. Voilà, parce que une commune, ça se gère collectivement avec les élus, bien sûr, avec les services municipaux, mais aussi avec les Ingréennes et les Ingréens. Voilà, tout seul, on ne fait rien. Alors, on l'aura quand, la nouvelle liste? Alors, la nouvelle liste, elle sera donnée le 12 février en réunion publique à 20h30 à la salle Jean Zé. Ah, voilà. Et le programme, ce sera le 4 mars, dans cette même salle, à cette même heure. Le programme est en exactement. Voilà. Antoine Amos qui est là. Bonjour Antoine, excuse-moi. Bonjour Francky. Je voulais pas te zapper. Hein. Bonjour, peut-être une question pour Monsieur le maire avant qu'on se quitte, Antoine. Je sais que t'as un grand fan. Je suis un grand fan d'Ingrid. Si, souvent tu me dis j'adore Monsieur Ingrid. Il est gentil Antoine. Ouais, super mec. Merci. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions qu'on pouvait imaginer poser. Et en tout cas, merci d'être venu. Non, mais c'est toujours avec plaisir. Si vous voulez, quand on est invité, je viens toujours, moi. Ouais, exactement. Bah, comme tous les maires. Et j'ai pas un maire qui m'a refusé l'invitation. Pour l'instant, si vous voulez, quand on est bien reçu. Exactement. Voilà. Un dernier mot pour conclure, monsieur le maire. Avant de se quitter, c'est un petit interview qui a duré moins de 20 minutes. Parce que je sais que vous avez pas mal de boulot. Après, vous allez remettre un chèque. Oui, ce soir, je vais remettre un chèque, effectivement, à l'association, la FM Téléthon. Ouais. Hein, avec l'association Espérance Guérison, qui fait un très, très gros travail sur un gré. Eh bien, nous contribuons, nous, communes, à aider la recherche à travers du Téléthon. Non, un mot, si vous voulez, on est dans une période importante pour la vie démocratique et pour la vie de nos communes. Il faut que chacun puisse s'exprimer, que chacun présente un projet, celui qu'il sent, celui qu'il considère être le meilleur pour un gré. Et puis ensuite, il faut que nos concitoyennes, nos concitoyens, eh bien, se positionnent, posent des questions, interrogent, critiquent, parce que ça fait aussi partie du jeu, c'est ce qui permet de progresser. Et ensuite, chacun fait son choix, celui qu'il juge le plus pertinent, voilà. Et ensuite, il faut que les engagements qui ont été pris par les différents candidats soient tenus, c'est surtout ça. C'est ça, c'est ça qui est important. Le respect de la parole donnée, si vous voulez, c'est ce qui permettra de revaloriser un petit peu la fonction politique et la fonction d'élu. Hein, parce que dans certains cas, alors pas au niveau local, parce qu'au niveau local, je pense que l'approche n'est pas la même que par rapport au niveau national. Ouais. Hein, voilà. Mais au niveau local, il faut tenir ses engagements. C'est important donc de ne pas faire des engagements dont on n'est pas sûr de pouvoir les tenir. Bien sûr. Voilà. Avant de se quitter, vous êtes proche des habitants, certainement, comme beaucoup de maires. Je vois Marine Eslinguer, c'est un exemple. Je sais qu'elle voyage beaucoup avec son camping-car en ce moment. Ouais. Elle va à la rencontre des habitants. Vous, c'est peut-être pas le camping-car. Non, vous êtes ouvert. Un gré petit, si vous voulez. Ouais. Je sais pas si je suis proche, je me fais souvent engueuler, donc je pense que je dois pas être très éloigné pour que on me dise ce qu'on a à dire. Non. Oui, moi, je suis, sûr. Si vous voulez, quand on vit dans une commune de 9000 habitants, si vous voulez, quand on va acheter son pain, quand on va chez le buraliste, quand on sort de la mairie pour rentrer chez soi ou inversement, il est bien rare qu'on tombe pas sur. Des fois, vous dites, faut que je l'évite, lui, faut que je l'évite. Non, ça arrive. Non, moi, je change jamais de trottoir, si vous voulez. Ouais, jamais. Bien sûr. Jamais. Et j'ai pas vu de gens qui changent de trottoir. Voilà. Donc, les gens me disent ce qu'ils ont à me dire. Des fois c'est plaisant, des fois c'est pas plaisant, et puis des fois il y a un fond de vérité, hein. Donc il faut aussi l'entendre. Hein. D'accord. Merci monsieur le maire. C'est moi Christian qui vous remercie. Christian Dumas, maire d'Ingré, candidat pour un troisième mandat. Eh bien bonne chance à vous, là. C'est gentil. Voilà. Merci à d'avoir été invité sur 96 merci de FM. Radio Arc-en-Ciel, 17h18 en direct. Quiero perder el tiempo. Tú sabes que te quiero a morir, que no soy de aspavientos, que me gusta el lento. Ay, llévame despacio, que no hay prisa, que dejando en mi camisa una ruta de besos que me lleva al mismo cielo. Ay, espérate sin miedo, con malicia. Lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo lento. Dame lento así con todo sentimiento. Ven camenina, no me dejes lento. Cierra los ojos y vivamos el momento. Baila conmigo hasta que veas salir el sol. Dueña de mí, yo me pierdo en tu cuerpo. Tú me quemas con tu fuego. En tu cintura quiero vivir, respirar de tu aliento, que me beses lento. Ahí llévame despacio, que no hay prisa. Me dejando en

passion. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, I'm not it. Ça, ça fait du bien au cœur, hein, 17h24 en direct sur l'arc-en-ciel avec Jackson, You Don't Know, en direct la radio. L'After Job avec Frankie, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. En tout cas, bien sympathique, hein, le maire d'Ingré, monsieur Christian Dumas, qui était notre invité pendant 20 minutes. Il nous a expliqué un petit peu, hein, le pourquoi et le comment, qu'il se représentait aux élections municipales, justement, troisième année. Ça fait plaisir de le recevoir aujourd'hui sur Radio Arc-en-Ciel. Demain, on aura Alexandre Thibaudeau qui se présente à la mairie de Sarcotte. Voilà, c'est la première fois. Bah, justement, il va nous expliquer un petit peu aussi le pourquoi, du comment. Demain, rendez-vous donc à 17h30 à peu près avec Alexandre Bonneau qui se présente à la mairie de Sarcotte. Et puis on aura des nouvelles normalement de Monsieur Gouard qui devrait venir dans les sous de la radio française. On attend juste la confirmation. Voilà, donc ça va se passer dans je pense la semaine prochaine, j'espère. On reste avec vous, c'est 4 Pedro qui arrive sur la française et puis la météo pour demain, enfin pendant moins de 3 minutes. Yaloni, c'est quoi Pedro? Ela diz que me ama, mas sei que não. Até fiz bem, mas é igual porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso é que isso não pode ir além. Então vamos acabar, amor. Deixar esse eu trabalhar. Não tem porque existir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Não, nós vamos ficar por aqui. Não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não. Por isso é que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E para não piorar este erro, não vamos inventar só. Same level. Tu eras o rap, eu era o cool clever. Tu eras a minha Weza e eu teu na grelha. E o combinado foi ficarmos juntos até ficares velha. But I don't know what's going on right here. Cause when I say nah, yeah, I say yeah. Queria dizer que já não posso mais contigo. Cada passo que eu dou sinto-me a passar para trás. Não, não é por mal que eu digo isso. É que eu sinto-me mal a cada vez que penso nisso. Então minha proposta é essa. Vazou pro meu caminho e dou-te um beijinho na testa. Não, nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Le grand ciel du son Caliente, 17h28 sur la radio couleur avec C4 Pedro Vamos. La météo. La météo pour demain, bien malheureusement le ciel est couvert et encore nuageux, de la pluie demain matin, ça c'est la mauvaise nouvelle. Un petit rayon de soleil quand même dans l'après-midi, ça sera aux alentours de 15h à peu près, voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et de mercredi, ben, on reprend les mêmes et on commence le ciel couvert et nuageux, c'est pas grave, le soleil. Et bien rendez-vous avec Ricky Martin, Maluma, sur un arc-en-ciel. Vente el cuento.

nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Ah. Se eu te pego, viu? Quero vivar um sábado. A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Mato, nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Quero ver a galera comigo, vai. Nossa. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu, delícia? Oh! Radio Conciel do Brasil, avec Michel Tello, ai, se eu te pego. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ouais, jusqu'à 18h en près, c'est Louis qui arrive avec les balcons d'Espagne. Olé, olé. Justement, demain il sera notre invité. Transition obligée, il est espagnol aussi, il s'appelle Alexandre Thibaudeau. Voilà, il sera dans les studios, il se présente à la mairie de Sarcotte. Non, parce que j'ai eu le maire d'Ingré, c'est pour ça que je mélange tout là. Christian Dumas, mais demain il sera là, Alexandre Thibaudeau. Les prénoms, c'est pas facile quand on a 40 dans la tête, hein. Il sera notre invité vers 17h30, 17h40. Voilà, il va nous parler justement du pourquoi, du comment, pourquoi il se présente à la mairie de Sarcotte. On saura tout demain en direct et c'est sa première en plus. Donc on lui souhaite bonne chance. Swiss Fonzie qui arrive, on aura Lucenzo, on aura Kenji et Papa London pour les bons souvenirs. Yeah. En esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Sufrir el mejor, olvidar y dejar el

Lucenzo, Radio Arc-en-Ciel avec Damien Besso, mon Lemita. Et longtemps qu'on l'a pas entendu, Lucenzo. Tiens, on va essayer d'appeler son manager demain en direct. Allez. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Ah ouais, venez rejoindre notre grande, grande famille Radio Arc-en-Ciel. 02 38 43 48 00. Plein de sons caliente juste avant l'arrivée de Luis dans 7 minutes sur Radio Arc-en-Ciel. Felices los cuatro, Maluma. Y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo te acepto el trato. Y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Lo nuestro no depende de un pacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y tú menos. Y siempre que se va regresa a mí. Y felices los cuatro. No importa el que dirán, no gusta así. Agrandamos el cuarto, baby. Y siempre que se va regresa a mí. Y felices los cuatro. No importa. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo te acepto el trato. Y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. On a avancé le 17h55 minutes avec Maluma, Felices los cuatro. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Puis je peux dire, ça va sentir bon l'amour le samedi 15 février, la Saint-Valentin. Le lendemain, bah ouais, parce qu'on fait ça le samedi soir, c'est à la salle des fêtes de Saint-Privé, Saint-Mémin, le repas de la Saint-Valentin, dîner, spectacle, dansant. Alors au départ, ça va être tranquille, ça va être love, l'amour avec du fado. Et puis ensuite, il y aura une belle soirée dansante, un bal à partir de 23h. Et puis, il y aura à manger, il y aura à boire, il y aura tout ce qu'il faut. Donc ne ratez pas ce bel événement, c'est à Saint-Privé, Saint-Mémin, le samedi 15 février, c'est à partir de 19h30. Allons, Papa London qui arrive. Et puis dans moins de 4 minutes, c'est Luis avec l'Espagne, les balcons d'Espagne. Et puis les bons souvenirs avec Dalé, DJ, Papa London et l'Espagne avec Luis. Olé. Yeah, yeah. Ah, ça sent bon, les îles, ça. D'aller DJ avec papa, London, bientôt 18h, les vacances de l'Espagne qui arrivent. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis on vous rappelle notre invité, demain il sera dans les studios autour de 17h, 17h30, c'est Alexandre Thibaudeau qui se présente à la mairie de Cercotte. Voilà, on va parler un petit peu avec lui, pourquoi, du comment, c'est la première fois qu'il se présente en tant que maire. Et bien demain il nous dira tous ses secrets et qu'est-ce qui l'a motivé justement à se présenter à la mairie de Cercotte. Il sera notre invité aux alentours de 17h, 17h30. Je vous souhaite une excellente soirée. Tout de suite, c'est le soleil qui arrive, qui est au rendez-vous avec Louis qui est dans les studios de la radio avec le son du balcon d'Espagne. Olé, bonne soirée. Demain, rendez-vous 17h, 19h. L'After Job. Salut la famille. À demain. C'est l'Espagne qui arrive.